Situation 4. Excusez-moi, monsieur. Le musée des arts et métiers, s'il vous plaît. Oui, alors vous prenez la première à gauche, puis vous continuez tout droit sur 300 mètres.